Il est 21h, je viens de bouger du studio. J'suis pas prêt de me coucher, j'ai le moral à zéro. Ras-le-bol dans leur piège, ils veulent que je dégringole. Ils ne veulent pas que ma gueule ait le sourire du pactole. Ma parole, j'passe mes nuits à caresser l'ennui. Avec comme rôle difficile, citoyen de la métropole. 23h, toujours et encore en bas du bloc. À discuter sur ce qu'on voudra avoir à notre époque. Moi de mon côté, j'recherche mon chemin dans la nuit. J'marche avec le destin, ma route n'est pas éclaircie. Trop de questions à la fois. Dans ma tête, je psychote, je deviens fou, aucune porte reste ouverte. Je passe mes nuits à chercher la clé de la réussite. Problème, on m'a bâclé, donc je vais pas la boucler. J'écris mes textes pendant que les gens dorment. En même temps que je regarde patrouiller les gendarmes. J'ai des horaires hors normes, je suis le jeune qui pète pas la forme. Qui se lève le matin quand ça parle de somme. Et ouais, j'ai le seum. C'est avec elle que je passe mes nuits. C'est elle qui m'accompagne quand je m'allonge sur mon lit. Elle me rappelle des choses, elle m'empêche de trouver le sommeil. C'est à cause d'elle si j'ai pas la pêche au réveil. Et enfin, je finis par m'endormir sur ma feuille blanche. En espérant qu'avant la fin, j'agisse comme un ange. Je passe mes nuits à penser à tout et à rien. À m'estimer comme mauvais gars ou bien, y'a que dans mes rêves que je suis sur le bon chemin. Mais je crois au tout puissant et c'est ce qui fait que je tiens. Je passe mes nuits à penser à tout et à rien. À m'estimer comme mauvais gars ou bien, y'a que dans mes rêves que je suis sur le bon chemin. Mais je crois au tout puissant et c'est ce qui fait que je tiens. Je passe mes nuits à rêver sans trêve, à combler l'ennui pendant que les soucis me crèvent. Entre les grasses mat et les nuits blanches accumulées, ma vie un problème de maths qui ne fait que j'arrête pas de reculer. Je passe mes nuits à penser, à songer de me ranger, à me lancer dans des choses qui ne feront que m'arranger. Des nuits seules, devant ma feuille blanche, je me sens seul. Et c'est ce qui fait que ça me déclenche. Je suis dans le faux et je m'enfonce dans le fond. Même si mes idées sont fausses, j'ai une vérité au fond. Chaque nuit je me perds à vouloir me refaire. Mais ça tourne à l'envers, que Dieu m'éloigne de l'enfer. Je pense à tout mais aussi à rien. Et ça m'étouffe de m'embrouiller parfois pour un rien. Les nuits à tourner en rond dans le vice du diable. Et dans ma tête y'a plus rien de fiable. Je suis à l'ouest et j'ai rien compris en fait. La vie n'est qu'un test et je suis loin d'être comme le prophète. Je réagis comme un idiot et ça ne fait que m'offusquer. Pendant que je bosse au studio, mes frères sont à la mosquée. Je passe mes nuits à penser à cette femme. Un hijab, un cœur pur qui m'arrachera des flammes. Passe des sales nuits, j'imagine la perte d'un proche. Si ma mère disparaît, voilà que ma vie sera atroce. Passe mes nuits à penser à tout et à rien. À m'estimer comme mauvais gars ou gars bien. Y'a que dans mes rêves que je suis sur le bon chemin. Mais je crois au tout puissant et c'est ce qui fait que je tiens. Je passe mes nuits à penser à tout et à rien. À m'estimer comme mauvais gars ou gars bien. Y'a que dans mes rêves que je suis sur le bon chemin. Mais je crois au tout puissant et c'est ce qui fait que je tiens. C'est ce qui fait que je tiens. C'est ce qui fait que je tiens. C'est ce qui fait que je tiens.